Gaetano Manfredonia. Italien de naissance, j'imagine, Gaetano. Oui, tout à fait. Et français de profession actuellement ? Disons hôte de la République française. Voilà, ah, une République qui a perdu la tête d'un roi, évidemment. Et c'est ainsi qu'elle s'est construite, cette République. C'est la première image du livre absolument intéressant à l'iconographie époustouflante, livre que vous signez donc sur l'histoire mondiale de l'anarchie et qui commence par une gravure à la page 14. La première image du livre dit sur quoi l'anarchie s'installe. Cette première image, qui est tout à fait révélatrice, si vous voulez, d'une certaine manière de concevoir l'anarchisme, c'est l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1993 à Paris. Donc cette exécution, si vous voulez, est tout à fait symbolique parce que peut être considérée un petit peu comme l'acte de naissance d'une volonté tout à fait moderne de fonder le pouvoir politique sur une légitimité qui soit véritablement populaire. Et indiscutablement, l'anarchisme aussi, à ses origines, s'inscrit dans son courant révolutionnaire qui est celui de la Révolution française. Donc l'anarchie, c'est aussi un mouvement qui est contre certaines choses. Il n'est pas forcément pour certaines choses. En fait, disons qu'habituellement, on a un peu trop tendance à présenter l'anarchisme comme quelque chose de purement négatif. Mais en fait, en réalité, il y a aussi une démarche tout à fait constructive, voire ouvertement réformatrice chez l'anarchisme. Donc, si vous voulez, du point de vue symbolique, le fait de supprimer la monarchie peut être considéré comme un des actes fondateurs de l'anarchisme, mais n'est pas le seul. C'est-à-dire que la République dont s'inspire, que voudraient voir réaliser les anarchistes, à commencer par exemple par Proudhon, c'est une forme de République, disons, positive, qui permet de réaliser non seulement l'égalité politique et sociale, mais en même temps aussi l'égalité économique. De la tête du roi qui s'engoline et qui est montrée au peuple, on passe à une autre tête, une autre figure, alors pour le coup, de l'anarchisme qui a retenu mon attention, Leda Raffanelli, qui est présenté dans cette image qui date de 1910. Une belle femme, avec des fleurs à la main. Alors, elle ne se trouvait pas particulièrement belle. Et cette Leda Raffanelli, j'ai tenu à en parler d'elle dans cette histoire mondiale de l'anarchie, parce que c'est une figure très peu connue, même en Italie, jusqu'à ces dernières années, mais qui est indiscutablement très originale. Car c'est une personnalité très forte qui sera en Égypte encore quasiment gamine, enfin une vingtaine d'années, et découvre à la fois l'anarchisme et le monde musulman. Et donc elle se convertit à la fois à l'anarchisme et à la religion musulmane. Qu'elle gardera et qu'elle respectera. Disons qu'on s'est beaucoup interrogé sur la réalité de son adhésion à la religion musulmane et si c'était pas, disons, une espèce de posture un petit peu proche de tout un tas d'orientalistes, disons, qui mélangeaient un peu tout, c'était l'époque. Et effectivement, apparemment, elle a toujours tenu à revendiquer cette appartenance. Et apparemment, donc, elle a respecté ce qu'on appelle les cinq piliers de la foi musulmane. Tout en respectant le pèlerinage à la Mecque. Tout en respectant l'athéisme, évidemment, de ses camarades de lutte. Et, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit entre anarchistes, on ne s'appelle pas camarades. Oui, camarades, compagnons, etc. Voilà. Et donc, c'est un cas de figure assez intéressant, puisque c'est quelqu'un qui spontanément se convertit en religion, donc qui ne considère absolument pas comme étant compatible le fait de se dire anarchiste et puis d'avoir une croyance religieuse, et en même temps, une vie qui est fondamentalement laïque, puisque ça ne l'empêchait absolument pas, justement, de militer avec les autres compagnons, camarades qui étaient athées, et en même temps aussi d'avoir une vie en tant que femme absolument libre. Merci beaucoup Gaetano Manfredonia. Donc à lire, images et textes évidemment, Histoire mondiale de l'anarchie. Disons que l'anarchisme naît et s'affirme en tant que pensée politique moderne seulement au lendemain de la Révolution française, en réaction d'une part à la mise en place des structures de type étatique moderne et aussi par rapport au développement du capitalisme industriel. Donc au fur et à mesure que les conditions qui voient émerger un capitalisme industriel qui peut détruire au passage la nature se mettent en place en Europe et puis ensuite en dehors d'Europe, on voit progressivement apparaître des penseurs, des auteurs et des mouvements anarchistes qui se présentent comme une réponse radicale à ceux qui sont considérés comme étant des nuisances. Dans tout l'univers. Alors votre livre, c'est une suite de portraits dans une très belle mise en page avec de belles illustrations. Ça, c'est le propre des éditions textuelles. Eh bien, on va faire, comme vous, prendre quelques personnalités, essayer de les dessiner avec précision. Alors, on aurait pu commencer avec Proudhon. Je ne sais pas s'il était si attentif que ça aux questions liées à la nature. On va commencer avec Élisée Reclus. Enfin, Élisée Reclus, c'est un peu plus tard, une génération après Proudhon. Et ce n'est pas un homme seul, c'est une sacrée famille, les Reclus, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Oui, bien sûr. Élisée Reclus, et en particulier son frère Élie, donc ils ont un peu marqué l'imagination dès à l'époque, parce que ils se sont engagés l'un et l'autre au sein de l'AIT, et en essayant... L'Association internationale des travailleurs, hein, première internationale. Première internationale. Ils ont rejoint les groupements... mise en place par Bakounine, et ensuite, surtout, Élisée Reclus, il a poursuivi, disons, une double carrière, d'une part de militant révolutionnaire, il a participé à la Commune, et ensuite, il a été un de ceux qui ont le plus contribué à l'élaboration d'une doctrine anarchiste. Mais on le connaît aussi comme un immense géographe. Il y a un groupe de géographes à Montpellier qui s'appelle la Maison Reclus. Il a publié une grande géographie universelle en près de 20 volumes. Il n'a pas réussi de son vivant à avoir publié tous les volumes de l'Homme et la Terre. Et alors lui, notre sujet c'est l'anarchisme et la nature. Il dit « L'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même ». Voilà, donc l'originalité de Reclus, c'est à la fois d'être un militant et en même temps un homme de science, puisque est un de ceux, avec Vidal de la Blanche, qui ont le plus contribué à l'élaboration, en France, de la discipline de la géographie ou de la géographie humaine. Cet intérêt pour la géographie et pour les questions sociales l'a amené à développer un certain nombre de positions assez originales. C'est-à-dire qu'il dit que l'homme attaque la Terre. Il peut pratiquer la déforestation, il a fait un très beau livre sur les fleuves, il peut abîmer les fleuves. Alors l'idée de Reclus, c'est de montrer comment l'action de l'homme, dans ses activités productives, mais même tout simplement dans ses activités sociales, peut avoir des conséquences directes sur la nature. Or, contrairement à une vision optimiste, il montre dès le Second Empire, en fait, comment l'action de l'homme peut être négative, peut être destructrice du milieu. Alors, ce qui fait que certains ont voulu voir dans Reclus une espèce de, disons, d'ancêtre de l'écologie contemporaine. La dernière date, c'est Jean-Didier Vincent. Mais il y a aussi Henriette Chardac qu'on va entendre ici dans un reportage de France Culture en 1997 qui a lieu à Vaccueil, en Normandie, où la famille Reclus habitait une vieille maison pittoresque avec une tour qui donnait sur une rivière, le Crevon, et avec beaucoup de camarades dans une libre camaraderie. C'est un repère d'exilés du monde entier. Alors, ce sont de vrais babacools. Bon, il y a un pigeonnier, on peut sortir le piano pour jouer, faire un pique-nique. On se baigne beaucoup, on marche, on fait du footing. On fait du naturisme aussi. On fait du naturisme. Les femmes avant 70 ne portent plus de corsets. Elles sont dans des robes très sobres, mais elles sont à l'aise. Reclus va leur dire, mais essayez même le pantalon, vous serez plus à l'aise. L'éducation des enfants se fait dans le jardin, on leur montre des papillons. Il y a des concours de la plus belle fraise. Et puis là, on rêve au monde, on rêve à l'Europe. Babacool, oui. Il n'est pas du tout hostile au développement des villes, par exemple. Pas du tout. Disons que l'originalité de Reclus, c'est de pointer du doigt les méfaits d'un productivisme, disons, effréné dès son époque. Le fait de la poursuite du profit individuel qui conduit à détruire des régions entières de la planète. Et d'un autre côté, par contre, il pense que les hommes peuvent avoir un rôle extrêmement positif sur leur environnement. Et pour lui, il considère même que le progrès, ça va être tout simplement le fait de cultiver d'une certaine manière son jardin, le mettre en valeur, la terre, Et donc, à partir de là, Reclus ne rejette absolument pas ni la science, ni le progrès technique, ni la possibilité d'utiliser la science et le progrès technique pour améliorer la productivité, donc pour pouvoir améliorer aussi les biens de consommation qu'on peut mettre à disposition du peuple. Oui, mais moi je me fais l'avocat du rapprochement entre écologie et anarchie, bien que le mot écologie ne soit jamais employé par Élisée Reclus. Il fait la connaissance dans les années 1870, précisément, de Kropotkine, qui est un Russe, qui lui aussi est géographe, et qui réfléchit, lui, à l'échelle des espèces. Il dit qu'il faut étudier le sentiment qui a mis fin au cannibalisme, et il explique, Kropotkine, qu'il n'y a pas de différence de nature entre les espèces animales et l'espèce humaine, seulement des espèces de degré, ce qui va peut-être contribuer au végétarisme de Reclus. Il n'est pas le seul, puisqu'à l'époque, beaucoup de militants anarchistes qui s'engagent sur la voie du végétarisme. D'une part, pour refus tout simplement de ce qui peut être considéré comme étant une cruauté, mais aussi, et ça c'est très important, comme aussi peut-être un moyen de pouvoir, à terme, transformer la société. Il y a deux pages qui sont consacrées dans votre histoire mondiale de l'anarchisme chez Textuel, aux naturiens. On a entendu un écho de la communauté familiale de Vaqueuil, mais dans les années 1900 se créent, de manière beaucoup plus radicale, les premiers milieux libres, avec notamment un individu qui s'appelle Buteau, et qui œuvre, 1902-1906, du côté de Château-Thierry, à la clairière de Vaux. Georges Buteau, c'est un militant un peu atypique français qui fait partie de ceux qui développent à partir de 1902 un mouvement dit des milieux libres qui vise à créer des sortes de communautés alternatives. Et en même temps, la particularité de ce Buteau, c'est d'être un végétalien. C'est-à-dire qu'il préconise non seulement de ne pas manger de la viande, mais aussi de ne pas manger tout aliment d'origine animale. Il voit dans le développement du végétalisme un moyen de pouvoir réaliser une société communiste en réduisant les besoins. Et il y a, dans les années 20, sous son égide, un foyer végétalien dans le 19e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si ça s'appelle de l'action directe. L'action directe, ce n'est pas nécessairement l'attentat et l'action violente. L'action directe, ça peut être l'expérimentation de la vie commune, ça peut être les universités populaires, ça peut être les bourses du travail, ça peut être les écoles. Voici un exemple d'école libertaire. Il y en a eu jusqu'à peu et beaucoup au début du XXe siècle. Est-ce que les enfants, nous les éveillons à eux-mêmes, à leur propre personnalité? Est-ce que nous les éveillons à la nature? Je n'y crois pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des bacs plus je ne sais pas quoi, mais incapables de se servir correctement de leurs mains. Et pour tout avouer, on prépare beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'éducation aujourd'hui des petits soldats de l'économie qu'on ne prépare des êtres évolués. Mais seulement, on n'ose pas développer leur esprit critique parce que ça ferait des insurgés. Expérience unique au monde, Bonaventure est la seule école anarchiste. Une petite république éducative, sans autorité, sans hiérarchie. L'école refuse toute aide de l'État et ne touche aucune subvention. Les parents après se sont arrangés collectivement pour créer une association type loi 1901 pour permettre un certain nombre d'activités collectives au niveau de leurs gamins. Faute de permis de construire, l'école a vu le jour au fond du jardin de Tide et de Jean-Marc, les instigateurs du projet. Ils ont persuadé le mouvement anarchiste de participer à cette expérience. Mais d'abord, il a fallu construire. Il y a 70 personnes qui sont venues, c'était un chantier délirant. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de plan. Et ça a été la seule école où l'instit a été de corvée de chiottes pendant un an, puisqu'on avait oublié les cabinets. À Bonaventure, il n'y a pas de trimestre, mais des cycles d'apprentissage et des projets élaborés entre enfants et enseignants. À la télé en 97, Poiret, Vercamer, les déserteurs de l'école. Bon, l'école de l'Héron, Bonaventure, n'a duré qu'un septennat, mais je pense à d'autres exemples que vous citez, La Ruche à Rambouillet, après 1904. Ça, c'est Sébastien Faure. Les éditions des Équateurs sont en train de rééditer l'extraordinaire Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Et je lis à l'article École, l'école de l'avenir sera à la campagne, la culture, l'élevage, les promenades permettront de voir la nature, d'observer les milieux simples, les machines les moins compliquées, les matières brutes, etc. Alors ça, c'est une citation de Sébastien Faure, mais il faut bien voir qu'à travers cette citation, Sébastien Faure n'exalte pas tellement, disons, la nature en tant que telle, quand plutôt une forme d'apprentissage, disons, qui lui paraît plus appropriée. En fait, ce qui fait l'originalité de l'anarchisme, c'est de préconiser une éducation qui puisse former des individus complets. En fait, les anarchistes se réclament de la conception de Fourier, puis de Proudhon, qui vise à réaliser une éducation intégrale. Et comment vous avez été formé, vous, à l'anarchisme, Gaetano Manfredonia, reclus dont on parlait, c'était pas un géographe académique, il n'avait pas fait l'université, et vous ? Mais moi j'ai fait l'université, comme vous dites, je suis docteur en histoire. Ah, je suis déçu. Ben, c'est comme ça, donc j'ai fait une thèse sur l'individualisme anarchiste en 1984, donc le siècle dernier, et ensuite depuis 35 ans, je continue régulièrement à produire un certain nombre de travaux de recherche. Bon, je suis déçu parce que je pensais, vous n'avez pas mis la photo de Léo Ferré dans votre livre, que vous étiez une graine d'ananar. La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme un étamine. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Avec Gaetano Manfredonia, qui a oublié de dire qu'il l'a aussi enseigné à Sciences Po, je suis de plus en plus déçu, qui publie une histoire mondiale de l'anarchie aux éditions textuelles. Vous savez, la formule de Jean Grave, la besogne révolutionnaire, ça consiste d'abord à fourrer des idées nouvelles dans la tête des individus. Oui, ça c'est un des espoirs que placent les individus dans les libertaires dans l'éducation. Il faut bien voir que l'anarchisme est en grande partie un petit peu le fils légitime des Lumières. C'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'il est possible d'imprimer à l'individu une direction dans un sens positif. Donc un des objectifs prioritaires de l'enseignement qui préconise les anarchistes, c'est de créer donc cet individu complet et en même temps autonome, qui est capable dans toutes circonstances de pouvoir se diriger lui-même. Notre thème, les anarchistes et la nature. Alors il y a votre livre noir. Je parle de la couverture. Il y a l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure, réédité aux Équateurs, couverture rouge. Et là, maintenant, je passe à l'article agriculture, signé Georges Bastien. Là, je suis très déçu. L'agriculture, c'est l'art de produire dans cette usine qui s'appelle la terre. Alors, disons que l'expression en question est peut-être un peu trop forte. Concrètement, les anarchistes valorisent les activités agricoles, et en particulier valorisent le monde paysan. Ils sont pratiquement les seuls socialistes au 19e et au 20e siècle à ne pas considérer la paysannerie comme étant une classe arriérée. Au contraire, par exemple, Élisée Reclus voit dans la paysannerie une catégorie sociale qui peut défendre les acquis de la Révolution, et à tel point qu'il fait des paysans les gardiens de la terre. Mais alors peut-être faut-il, à contre-courant de l'idée reçue dominante aujourd'hui, aller chercher des repères pour la pensée écologiste ailleurs. Votre ami Philippe Pelletier dirait du côté des penseurs d'origine chrétienne, Soro, Lanza del Vasto, Ivan Illich, prêtre au Mexique. Illich, dont vous avez certainement dû entendre parler, distinguait entre la société de subsistance et la société de développement. Le développement signifie toujours la destruction d'une société de subsistance pour l'inscrire dans un projet économique. Et finalement, le développement a été l'outil par lequel tout un tas de cultures aussi valables que la nôtre, sinon plus, ont été détruites et amenées à se conformer aux dogmes stupides de l'économie. Ici à gauche, les poireaux. Donc on voit que c'est biologique, hein. Il y a les herbes sauvages poussent aussi. Comment est-ce qu'on peut décrire le hameau des bus ? C'est un projet social, c'est un projet éducatif, pédagogique, c'est un projet intergénérationnel, quelque chose de concret. Alors en fait, la grande question qu'on s'est posée, c'était comment construire des bâtiments à la fois sains pour la santé des êtres humains qui vont l'habiter et qui à la fois, une fois de plus, soient extrêmement léger en termes d'empreinte écologique. Au niveau des bâtiments, c'est un sujet qu'on va décliner d'abord en relocalisant la provenance des matériaux et donc en travaillant sur ce qu'on appelle l'architecture de cueillette. C'est-à-dire, la première chose qu'on a fait, c'est de faire l'inventaire des ressources directement issues du terrain. Donc tous les arbres qui contribuent à la réalisation du hameau sont issus du département. J'aime pas quand ils coupent les arbres. Alors voilà pourquoi je préfère les maisons de terre paille que les maisons de bois. Couper du bois, ça tue les arbres déjà. Alors que la terre paille, c'est du blé, quoi. C'est plus écologique. Antoine Saxe, sur les docks France Culture, nous sommes au hameau des Buis, chez la fille de Pierre Rabhi, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, le prédicateur de la sobriété heureuse, et que beaucoup de nos auditeurs considèrent aussi comme pas si éloigné de l'anarchie. C'est pas votre point de vue ? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'anarchisme, c'est une des familles du socialisme, et le socialisme en général, ce qu'il préconise, c'est qu'il puisse y avoir de l'aisance pour tout le monde. Un des ouvrages les plus connus de Pierre Kropotkine s'intitule d'une manière tout à fait symptomatique « La conquête du pain ». C'est-à-dire qu'il y a eu, et il y a encore aujourd'hui à l'échelle de la planète, des centaines de millions d'individus qui n'ont pas encore le nécessaire. Or, le tout est de se dire, est-ce qu'il y a un seul modèle de développement économique qui conduit aux impasses que nous connaissons aujourd'hui, ou alors il est possible d'envisager une autre forme de développement économique qui, lui, soit respectueux de la nature et qui, en même temps, soit durable. Mais la décroissance est la meilleure manière de casser le capitalisme, qui a toujours besoin de la croissance. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, décroissance. C'est vrai que j'ai enseigné les sciences économiques et sociales pendant 25 ans. C'est peut-être pour ça. C'est un comportement individuel, la décroissance, c'est pas un point de vue politique. Une chose est certaine, c'est que sans tomber dans une espèce d'optimisme béat et sans croire que la science peut résoudre l'ensemble des problèmes, mais la chose dont on est sûr, c'est que le développement tel qu'on l'a mis en œuvre jusqu'ici a eu pour seul objectif, celui de la recherche du profit individuel. Et donc ce qu'il faut casser, c'est justement le capitalisme en tant que tel. Et on ne cassera pas le capitalisme en tant que tel en instaurant une situation de crise économique. La seule chose qu'on pourra obtenir, c'est le retour du fascisme. Une contribution essentielle, cependant, des penseurs anarchistes à la réflexion écologique, c'est celle d'un Américain qui est d'origine russe, toujours les Russes. Vous parliez de Kropotkine, mais vous consacrez une longue séquence de votre histoire mondiale de l'anarchie à Bookchin, qui est très peu connu en France, très peu traduit en France, qui est mort pourtant il y a peu d'années, 2006. Mouré Bouchine a été pendant très longtemps quelqu'un de quasiment inconnu en France, mais disons depuis une bonne vingtaine d'années, il y a l'essentiel de ses ouvrages qui ont été traduits et publiés, en particulier par les éditions Atelier de création libertaire de Lyon. Et il s'agit de quelqu'un, d'un auteur extrêmement intéressant, qui peut être considéré comme étant le véritable fondateur, créateur de l'écologie sociale. On peut dire un mot de sa formation ? Il a été ouvrier avant d'être enseignant. Oui, c'était un des mérites, disons, de Bouchine. Et en même temps, bon, il a eu aussi un parcours politique un peu, j'oserais pas dire chaotique, mais disons, il a quand même beaucoup évolué dans ses propres conceptions pour aboutir à une vision qui reste originale dans la mesure où il tient compte, bien sûr, des acquis de Kropotkine, des acquis de Reclus dont je viens de parler, pour essayer de montrer comment il peut pas y avoir un véritable discours écologique, on ne peut pas véritablement s'opposer aux forces qui sont en train de détruire la nature, sans en même temps s'attaquer à toutes les formes de domination. C'est ça que ça veut dire, écologie sociale, ce mot qu'il utilise dès les années 60. Donc en fait, c'est par opposition, disons, à l'écologie politique, c'est la démarche traditionnelle, il y a un parti qui se présente aux élections, qui cherche à faire passer un certain nombre de réformes, si on veut, et à partir de là, on espère pouvoir enrayer en quelque sorte les forces de destruction qui sont à l'œuvre. Or, la démarche de Bouchine, qui est un libertaire, donc il refuse l'institutionnalisation des luttes, il conteste en tout cas l'utilité de la constitution en parti politique et il demande que ce soit les individus eux-mêmes qui puissent directement intervenir pour prendre en main leur avenir. Parce que chez les libertaires, on est contre le système de l'élection et de la représentation, même s'il arrive qu'on participe à des élections, et lui, il imaginait un municipalisme libertaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Voilà, donc dans l'esprit de Bouchine, c'était un moyen de la part de l'ensemble de la population de pouvoir intervenir sur le lieu là où elle vit, là où elle accomplit, disons, ses activités quotidiennes, pour mettre sur pied une forme de démocratie directe, radicale. Eh bien, exemple, parlons du lieu pionnier des luttes environnementales de ces années 2010, en Loire-Atlantique, les occupants de la zone d'aménagement différé de Notre-Dame des Landes, qui parlait ainsi dès 2012 dans les Pieds sur Terre, France Culture. Là, vous arrivez donc à ce qui est le Far West, c'est-à-dire un ensemble de cabanes dans les arbres. Pour beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps qu'on avait cette réflexion critique sur la société et qu'on voulait la mettre en œuvre dans nos vies, en fait. Là, on pense aussi bien à comment on se nourrit, à comment on lutte contre l'État, mais aussi à comment on décide entre nous, comment on s'écoute, comment on apprend les uns des autres, comment on échange des savoirs. Et comment on sort un peu de ces rôles, de ces spécialisations dans lesquelles la société s'est nous engoncée. C'est-à-dire que là, une journée, ça peut être le matin, vous êtes éboueur parce que vous videz les chiottes. L'après-midi, vous êtes ouvrier charpentier, même si vous n'avez jamais fait de charpente, parce qu'il y en a un qui est charpentier qui vous apprend à faire du solivage ou des mots poétiques de charpenterie, la volige, tout ça. Et le soir, vous êtes journaliste parce que vous écrivez un communiqué à plein et parce que vous portez une parole collective. Et finalement, le fait de faire tout ça, ça me donne envie de continuer. Et que sur tous les projets, grands projets d'aménagement comme ça, il y a des luttes qui se constituent, qui remettent en cause vraiment le productivisme et la société industrielle. Alors, leur responsabilité ou irresponsabilité retirée aux représentants élus et une action menée en commun comme ça, c'est pas ça le municipalisme libertaire? Mais disons que c'est pas en contradiction avec le municipalisme libertaire, mais tel qu'il le concevait Bouchine, c'était dans un cadre qui prend comme unité de base les communes telles qu'elles existent. Donc, tandis que l'originalité de la démarche de ces zones d'aménagement différé est devenue autogérée, disons temporaire, c'est de créer des nouvelles situations qui permettent d'expérimenter aussi des nouveaux types de relations. Et donc, c'est davantage dans une, disons, perspective d'attaque frontale et de rupture, en sachant que ce genre de zones, par définition, sont temporaires. Et créent de la conflictualité. Alors, on ne va pas redire tout ce que les habitants des régions fréquentés par les zadistes peuvent, pour une partie d'entre eux, expliquer. Ils ouvrent les portes des poulaillers, ils ferment les routes avec des chicanes, c'est des Pink Floyd, ça c'est l'appellation la plus aimable. L'isolement et l'incompréhension, c'est le lot des anarchistes, et ils n'hésitent pas à les créer s'il le faut. Oui, mais le but des anarchistes, ce n'est pas de créer exprès du désordre, dans la mesure où l'idéal de l'anarchie, c'est de réaliser une société fondée sur un ordre supérieur, parce que c'est un ordre volontaire. Il y a la célèbre phrase d'Élisée Reclus qui affirme que l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. C'est d'ailleurs la première phrase que vous mettez dans votre histoire mondiale de l'anarchie. C'est quand même un peu surprenant. Non, c'est il y a une réelle volonté de créer un ordre qui soit supérieur à celui créé par des structures hiérarchiques, parce que, je le répète, c'est quelque chose de volontaire. Donc à partir de là, l'anarchisme ne peut pas se concevoir exclusivement comme une force d'opposition, par exemple violente, qui s'appuie sur le conflit. Ce qui caractériserait l'anarchisme, c'est davantage une certaine manière de réglementer les conflits qui ne fait pas appel à une force de répression de type étatique. Quand on fait l'histoire de l'anarchie, on fait aussi des avertissements aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que les conflictualités ne se valent pas toutes. Il y a aussi la conflictualité créée par les hackers qui cassent les codes. Il y a aussi la conflictualité créée par les gens qui créent des sociétés qui modernisent les rapports traditionnels et qui cassent les vieilles entreprises. Il y a aussi la radicalité et la conflictualité d'extrême droite. Ça existe de plus en plus en Europe. Alors, personnellement, j'ai rédigé il y a une petite dizaine d'années un ouvrage consacré aux conceptions anarchistes du changement social. Et donc, je montre qu'il y a trois modèles distincts de changement social chez les anarchistes. Un premier que j'appelle insurrectionnel, celui que tout le monde connaît un peu, fondé sur une volonté d'affrontement direct, hein, si on veut. Et une deuxième conception du changement social que j'appelle syndicaliste, qui valorise au contraire l'action autonome de classe des travailleurs sur le terrain essentiellement de la production. Et ensuite, il y a une troisième conception de l'anarchisme que j'appelle éducationniste réalisatrice et qui, elle, au contraire, s'appuie sur une volonté de mettre en pratique un certain nombre d'idées anarchiste, ici et maintenant, mais sans l'utilisation d'une violence ouverte ou sans rechercher le conflit ouvert avec les institutions en place. Merci à vous, Gaetano Monfredonia.